Je sais tout. C'est vrai. Comme les ancêtres, les chatbots. Et particulièrement l'un des plus connus, ChatGPT. Trois pas en avant, un coup d'œil dans le rétro, une pincée de science-fiction. Détour vers le futur, le podcast qui vous invite à rencontrer des scientifiques pour parler de la société d'aujourd'hui et de demain. Retrouvez-nous sur le site internet du Quai des Savoirs et sur toutes les plateformes d'écoute. La science CQFD, Natacha Triou. Chaque premier lundi du mois, on sélectionne pour vous en kiosque le meilleur de l'actualité des sciences. En ce mois d'avril, que trouve-t-on à la une de la presse scientifique ? Menu. Notre corps, ce véritable écosystème, héberge des milliers d'espèces bactériennes différentes. Comment cette symbiose entre humains et bactéries nous façonne-t-elle ? Puis, la sonde Europa Clipper de la NASA va explorer Europe, une lune glacée de Jupiter. Elle pourrait être capable de détecter directement des traces de vie sur place, si vie il y a. Et enfin, ces dernières décennies, on découvre que l'orgasme n'est pas le propre de notre espèce. Oiseaux, reptiles et même drosophiles le connaissent d'un point de vue évolutif. Pour quelle raison est-il apparu ? Symbiose, exobiologie. Biologie lunaire et orgasme au clair de la une. Cécile Breton, bonjour. Bonjour Natacha. Vous êtes rédactrice en chef de la revue Espèce. Philippe Pajot, bonjour. Bonjour à tout le monde. Vous êtes rédacteur en chef de notre magazine partenaire, le magazine La Recherche. Et Sébastien Carassou, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes docteur en astrophysique, vulgarisateur scientifique et créateur de la chaîne YouTube Le Sens of Wonder. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez à toute heure en podcast sur l'appli Radio France. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. Chaque jour, on vous poste de nombreuses ressources, de nombreux liens. C'est sur notre fil à Science CQFD, c'est pour enrichir votre écoute et ça commence tout de suite. Alors comment fonctionne cette symbiose bactérienne et comment pouvons-nous nous en servir à des fins thérapeutiques ? Comment Europa Clipper pourrait-elle détecter la présence de vie sur Europe ? Et comment le plaisir sexuel a-t-il pu constituer un avantage évolutif ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence avec le dossier à la une du nouveau numéro de la revue Espèce, des mitochondries au microbiote, notre histoire d'amour avec les bactéries. Un dossier qui commence par cette citation. Monsieur Maître, j'ai entendu Yoda parler de midi-chloriens. Je me suis demandé, c'est quoi des midi-chloriens ? Les midi-chloriens sont des organismes microscopiques qu'on rencontre dans toutes cellules vivantes. Ils sont à l'intérieur de moi ? Dans tes cellules, oui. Et nous vivons en symbiose avec eux. C'est quoi la symbiose ? L'association réciproquement profitable de deux organismes vivants. Sans les midi-chloriens, il n'y aurait pas de vie et l'on n'aurait pas connaissance de la force. À tout instant, ils parlent en nous. Ils nous disent ce que veut la force. Quand tu sauras faire silence en toi, tu percevras leur voix. Je ne comprends rien. Avec le temps et la pratique, tu comprendras. Voilà un extrait de Star Wars, la menace fantôme de George Lucas en 99. Cécile Breton, on a là une description de la symbiose. Ce qu'on écoutait, c'est une description juste. Oui, j'étais en train de me dire que effectivement les trois premières phrases, finalement, on remplace midi-chlorien par mitochondrie et on a à peu près la chose. Enfin, alors, est-ce que ça nous donne de la force ? Oui, on peut le dire. Mais à un moment après, ça part un peu dans des domaines qu'on peut pas rattacher à la science, effectivement. Mais effectivement, la définition, elle est bonne. Hein, qu'est-ce qu'une symbiose ? Hein, c'est une relation particulière entre deux êtres vivants qui sont complètement différents. C'est pour ça qu'on titre un peu avec un peu d'humour sur l'amour qu'on porte aux bactéries, mais en fait finalement cet amour il est assez ancien et il peut être il a donné des éléments constitutifs de notre organisme au cœur même de nos cellules. Donc alors effectivement, bon, on parle de symbiose. Une symbiose, c'est vraiment une relation intime. Hein, et dans ce cas-là, on l'a dit mutualiste, hein, c'est-à-dire qu'elle est au profit des deux espèces qui ont profite, ce qui n'est pas toujours le cas de l'amour d'ailleurs, hein, on peut le dire. Et il y a deux autres types, hein, c'est le commensalisme qu'on connaît, qui au profit d'une espèce qui nuit pas à l'autre, et le parasitisme. Bon, enfin bref. Donc des symbioses mutualistes dans le monde vivant, on en connaît des milliers. Hein, c'est vraiment quelque chose en plus qui a attiré l'œil de la recherche dans ces dernières années de plus en plus. Il y a les symboles évidemment mycorhiziennes, hein, qui sont les relations entre les arbres et les champignons, les coraux, etc. Et il y a des organismes dits vraiment symbiotiques, comme les lichens, par exemple, qui sont des associations entre algues et champignons. Oui, d'ailleurs, Philippe Pageot, cette notion de symbiose, c'est une notion qui a été définie il y a assez récent finalement, enfin, il y a un siècle et demi, en 1867, avec justement le lichen. Exactement, c'est avec le lichen qu'on a commencé à se poser des questions, parce qu'on a commencé à voir sur cette algue ce qu'on appelait des godites, on ne savait pas bien ce que c'était. Et il y a pas mal de botanistes allemands, suisses, qui ont commencé à essayer de comprendre ça. Comme tu disais, Cécile, cette nature double du lichen. Donc vraiment, on a compris que c'était une symbiose, une association entre une algue et une cellulaire photosynthétique, hein, le lichen proprement dit, et le champignon, et que chacun profitait l'un à l'autre. Et donc, c'est à la fois, c'est assez récent, hein, et à la fois, ce succès à la symbiose, on va dire, c'est quelque chose qui est encore plus récent, puisque c'est vraiment avec le microbiote, avec cette symbiose aujourd'hui, qui est partout, hein, qu'on a commencé à se développer jusqu'à un succès de cette vision qui est devenue aujourd'hui presque philosophique. Hein, ce qu'incarne la symbiose, aujourd'hui, on pourrait presque dire que ça rentre dans le microbiote ou les microbiotes, oui, on va dire, mais dans plein de choses. On parle même d'holobionte, qui est une sorte d'entité extrêmement globale. On pourrait dire on est tous connectés, quoi, quelque part. Je crois que c'est Lynn Margulis qui a, dans les années 90, qui a émis qui a parlé de l'holobionte pour désigner effectivement l'organisme et l'ensemble des micro-organismes qu'il héberge. Et ça pose effectivement des questions philosophiques, parce que maintenant ça remet un peu en cause qu'est-ce qu'un individu finalement. Est-ce que c'est un individu et son environnement, enfin, est-il vraiment séparé? Est-ce qu'on doit inclure justement tous ces micro-organismes? Moi je trouve que c'est une idée quand même assez amusante, parce que ça veut dire qu'on a beaucoup séparé dans l'histoire naturelle l'homme de son environnement. C'était deux choses séparées. On s'aperçoit que finalement on est aussi, nous, l'environnement d'autres espèces. Donc je trouve ça c'est un apprentissage, et c'est quelque chose qui intéresse la recherche énormément. Par contre, mais oui, en effet, hein, parce que sur ces questions du nous et du dehors, sur ces questions de frontières, pour revenir sur pas les midis chloriens de l'univers Star Wars, mais bien sur les mitochondries, on voit, hein, qu'à l'intérieur même de nos cellules, il y a lieu cette symbiose, la mitochondrie. On peut revenir justement sur le rôle capital, vital, l'importance des mitochondries dans la vie de nos cellules. Oui, alors les midi-chloriens, les mitochondries sont à peu près la même chose, c'est-à-dire que les mitochondries, c'est ce qu'on appelle des organites, c'est à l'intérieur de nos cellules. Elles sont bien délimitées par une membrane, hein, et donc nos cellules caryotes, donc avec un noyau, et il y a cette petite, on parle souvent un peu de centrale énergétique, hein, puisqu'elle produit l'énergie, elle extrait en fait des nutriments, notre alimentation, l'énergie qui est exploitable par la cellule. En consommant aussi du oxygène, évidemment. Et c'est ce qu'on appelle le petit carburant, là, c'est la fameuse ATP, l'adénosine triphosphate. Hein. Et donc, cette mitochondrie, on a maintenant la preuve, hein, franchement, puisque c'est ce qu'on appelle la théorie de l'endosymbiose, on a la preuve qu'elle est vraiment à l'origine le produit. Mais il y a très longtemps, il y a 5 milliards d'années, d'une symbiose entre une bactérie et une archée, donc une cellule qui n'avait pas de noyau, quoi. Et donc petit à petit, avec le temps, comme c'est beaucoup souvent le cas dans la nature, il y a des organismes qui utilisent les capacités de production d'énergie de certaines bactéries. Les deux organismes se sont fondus complètement en utilisant, voilà, la cellule a utilisé les capacités de la bactérie. Sébastien Carassou. Et oui, ce qui est intéressant avec cette endosymbiose, c'est que elle renouvelle un petit peu une vision classiquement darwinienne de l'évolution, hein, avec des espèces qui se démultiplient par descendance avec modification. Et donc avec ces endosymbioses, on a des fusions entre des espèces, et donc ça remodèle un petit peu l'arbre du vivant tel qu'on le concevait jusqu'à présent. Ce qui est terrible, c'est qu'on est obligé, nous, pour penser le vivant, vivant, on est obligé de faire des catégories, on fait des espèces, etc. Et que là, c'est quelque chose qui va... On va être obligé de penser, comme justement l'écologie, de penser des relations hyper complexes entre des organismes différents, voilà. On peut plus segmenter les choses, il va falloir penser en termes de relations, ça va être de plus en plus compliqué. Mais ces anciennes bactéries, enfin voilà, qu'on finit par intégrer la cellule et ne plus être des bactéries, être des organites, on a aussi des traces de leur passé bactérien, Cécile Breton. Elles ont conservé la membrane en fait d'origine. Elles ont une double membrane, donc une externe et une interne, qui en fait la première est le souvenir de la membrane de la bactérie, et la deuxième est celle de la cellule qu'elle a pénétrée. Et évidemment, elle a aussi conservé une partie de son ADN de façon très réduite, hein, puisque je crois qu'il y a plus que 17 000 paires de bases dans une mitochondrie. Hein, c'est aussi, mais elle a conservé quand même de son origine bactérienne ses gènes. C'est ça, c'est que les mitochondries, les cellules sont tellement assimilées l'une à l'autre qu'on oublie souvent de parler de symbiose quand on parle de ces sujets-là, Sébastien Carassou. Oui, et ce qui est rigolo avec les endosymbioses, c'est qu'il peut y en avoir de plusieurs types. On peut avoir des endosymbioses. On appelle ça des endosymbioses secondaires et tertiaires. Donc, par exemple, les eucaryotes, hein, les organismes avec leur ADN qui est contenu dans un noyau, eh ben, ils peuvent être aussi les organites d'autres eucaryotes. Et donc, on a une endosymbiose secondaire. Et puis, on a dans la nature des exemples d'endosymbioses tertiaires avec par exemple, les algues brunes qui ont un jour incorporé des algues rouges à l'intérieur de leur corps. Et ça s'est très, très bien passé. Et donc, c'est assez rigolo, ce petit jeu de poupées russes, là. Philippe Pajot. Oui, il y a des symbioses, en fait, à toutes les échelles. Hein, on pourrait le dire. On pourrait partir de la symbiose d'animaux. Pour chaque, même pour les animaux, c'est à toutes les échelles. Donc, symbiose d'animaux, on a dit sur les mitochondries. La peau, le microbiote de la peau, par exemple. Le poisson clown et l'anémone de mer, qui a encore une échelle plus grande avec les animaux. Et pareil pour les plantes. L'apparition de l'oxygène, ce qu'on appelle la photosynthèse, en fait, est issue également d'une symbiose. Cette fois-ci avec les chloroplastes, hein, qui sont rentrés dans la cellule. Et puis, donc, ça, c'est à l'échelle vraiment très petite. Puis après, à l'échelle mycorhizienne, dont on parlait tout à l'heure. Puis après, également sur la fourmi-arbre, animaux végétaux. Et il y a même de la symbiose artificielle. En quelque sorte, les yaourts et les fromages, finalement, c'est le fromage résulte d'une domestication des bactéries qui peut être apparentée également à la symbiose. Donc, vive la symbiose, sans elle on n'aurait pas de yaourt, on n'aurait pas de fromage et on n'aurait pas d'oxygène. C'est si breton, ça. Oui, et puis il y a des cas un peu particuliers aussi, il y a le cas notamment de cette limace de mer qui est un animal qui est devenu photosynthétique, parce qu'il arrive à capter, alors c'est pas vraiment une symbiose, mais comme quoi ça montre aussi que les barrières du vivant et que tout est possible dans le vivant, elle capte en fait les chloroplastes d'une algue qu'elle consomme, mais vraiment elle les intègre à ses propres cellules pour profiter justement de l'énergie qui est produite par ces chloroplastes. Donc, tout est possible. Alors, l'autre symbiose en jeu dans notre organisme, c'est évidemment le microbiote. Dans quelle mesure cette symbiose nous est-elle bénéfique ? Restez à l'écoute. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. En direct sur France Culture avec Cécile Breton, Philippe Pajot et Sébastien Carassou, on fait le tour de la presse scientifique. On vient de parler de la complexité des interactions dans le monde vivant avec la symbiose mutualiste qui est présente dans nos cellules avec les mitochondries. Et parlons maintenant du microbiote humain. Alors c'est l'ensemble des bactéries qui peuplent notre organisme, hein, des bactéries que l'on héberge sur et dans notre corps. Cécile Breton, on en trouve partout. Oui, c'est terrible, oui. Terrible. Oui, il faut pas voir ces choses comme quelque chose qui nous fait du bien, mais qui sont vraiment finalement indispensables. Donc c'est le principe de la symbiose, hein, c'est que finalement on ne pourrait pas digérer sans eux et on serait pas beaucoup moins protégés, etc. Des agressions d'une manière générale. Donc oui, effectivement, elles sont partout sur la surface de la peau, hein, et aussi à l'intérieur, notamment du tube digestif, et ça c'est le fameux microbiote, parce que c'est le plus vaste et le mieux étudié, donc on en parle beaucoup, et puis surtout il a été popularisé par le fameux livre Le charme discret de l'intestin, parce que c'est vraiment des recherches aussi qui progressent beaucoup actuellement. Alors, c'est pas que des bactéries, nous effectivement on a parlé des bactéries, mais c'est aussi des virus, et des champignons, des levures, enfin des, bref. Donc le microbiote, oui, il est le microbiote donc de l'intestin, il est composé, je crois, alors on a estimé à 1 ou 2 kilos. Hein, c'est, vous penserez la prochaine fois qu'on montez sur votre balance, il y a 1 ou 2 kilos qui n'est pas vraiment vous. Donc il y en a autant que nos cellules, hein. C'est assez extraordinaire. Il y a un extrait, une citation assez marrante aussi. Bon, on pense à la balance, mais ouais. Vous dites si l'on passait notre corps dans un mixeur et que l'on piochait une cellule au hasard, il y aurait 1 chance sur 2 qu'il s'agisse d'une bactérie. Et on précise, ne faites pas ça chez vous. Donc on le connaît, ce microbiote, depuis longtemps. On appelait ça la flore intestinale quand on l'avait pas vraiment identifié. Il est toujours d'ailleurs en cours d'identification, mais c'est surtout le séquençage à haut débit. C'est par leurs gènes qu'on les identifie maintenant de plus en plus. Donc c'est vraiment des pistes de recherche qui finalement sont anciennes mais commencent aussi, qui s'ouvrent aujourd'hui. Alors il est indispensable à notre santé effectivement, parce que évidemment pour la digestion, hein, ils assurent la fermentation de résidus qui ne sont pas digestibles. Ils facilitent l'assimilation des nutriments grâce à des enzymes qu'on ne peut pas produire. Enfin bon, il y a toute une liste. Hein, c'est un vrai couteau suisse. Hein, ils synthétisent des vitamines comme la vitamine B12, je crois, et la K et la K. Enfin bref. Et aussi nous protège hein, de certaines. Ils produisent aussi des substances contre les mauvaises bactéries. D'ailleurs, Escherichia coli, la tristement célèbre, enfin en tout cas, l'une de ces Escherichia coli lutte directement contre la colonisation du tube digestif par des bactéries pathogènes. Et aussi, évidemment, ils ont une action dans le système immunitaire. Je crois que vous en avez parlé il y a quelques semaines déjà ici. C'est des choses assez complexes, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. En effet, je renvoie nos auditeurs à cette émission qu'on a consacrée sur le microbiote et l'alimentation, et en effet, et les effets sur le système immunitaire. On parle, Philippe Pajot, donc là, on parle évidemment le microbiote intestinal, c'est le plus connu, mais en effet, visage, aisselle, paume des mains, nombril, bronche des poumons, salive, gencive, membrane des yeux, tube digestif. Il y a peut-être aussi, mais ça reste débattu, du microbiote sur le muscle et le foie en très faible concentration. On en voit, on le voit partout. Oui, c'est la biodiversité. C'est... On peut parler d'une biodiversité qui est quand même très très qui est énorme, des milliers d'espèces différentes. On connaît pas toutes ces bactéries. Hein. On les connaît par le séquençage qu'on peut en faire. On avait énormément de progrès d'ailleurs en séquençage. Ça. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas qu'on peut pas élever dans les boîtes de pétri. Voilà. Donc on ne sait pas grand chose à part qu'elles sont là. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que ces symbioses sont très très propres à chaque individu. Hein. On arrive aujourd'hui à une sorte de personnalisation du microbiote intestinal. On est tous différents en fonction de qui on est, de ce qu'on fait, de où on vit, de ce qu'on boit, de ce qu'on mange. Ça, c'est assez extraordinaire. Et d'où cette idée aussi de penser à une sorte de médecine personnalisée en fonction de notre microbiote, et qui pourrait pas que l'intestinal, mais enfin tout. On a vraiment des microbiotes très très différents partout. Sébastien Carassou. Oui, alors moi, je me pose plutôt une question, en fait, justement, sur cette fameuse relation de symbiose entre notre microbiote et notre cerveau. On dit souvent, suite à ce fameux documentaire, là, que le ventre est notre deuxième cerveau. Qu'est-ce que dit la science là-dessus ? Il y a un consensus scientifique dont vous parlez également. Oui, alors il introduit un peu une confusion, ce terme de deuxième cerveau, parce que effectivement, la paroi du tube digestif est tapissée d'un réseau très complexe et très important de neurones eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle le système nerveux entérique, en par opposition au système nerveux central, donc notre cerveau. Et donc, il est un peu à l'origine de ça. Donc, effectivement, ça commande les contractions, enfin, tout ce qui est la partie végétative, en fait, les contractions du tube digestif hein, pour... pour aider la digestion, ça régule des enzymes, des hormones, etc. Donc, c'est, le deuxième cerveau, c'est ça. Mais il est par contre démontré que certaines bactéries vont envoyer des signaux chimiques justement à ces neurones ou bien directement au cerveau via le nerf vague ou le sang, quoi. C'est ça, c'est que les bactéries intestinales ne sont pas directement en contact avec les neurones du tube digestif, mais elles peuvent produire des messages chimiques, Philippe Pajot. Pardon, j'ai... je voulais pas vous poser une colle, mais sur, en effet, sur comment ça fonctionne, l'influence du microbiote, justement, sur le cerveau et sur ces liens intimes. Bah oui, en fait, donc il y a deux voies, hein, ouais. Effectivement, le nerf vague hein, qui relie, c'est ce qu'on appelle l'axe microbiote intestin cerveau. C'est, tu vois, les chercheurs ont trouvé une expression qui est très claire. Et cet axe, en fait, il y a deux voies. Hein, c'est le sang, donc via les nutriments en même temps que les nutriments, il y a une transmission de messages chimiques qui sont émis par les bactéries. Donc via le nerf vague directement. Alors effectivement, tout ça, c'est de la chimie, c'est des interactions complexes qui ne sont pas directes, etc. Donc je ne suis pas capable de rentrer dans les détails. Mais de toute façon, le lien entre le cerveau, on l'a tous vécu. Hein, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une interaction directe dès que vous avez un problème, notamment le stress, hein, l'hormone du stress, le cortisol. Il envoie directement des messages à l'intestin. Le problème, c'est que cet axe, ce fameux axe, il est bidirectionnel. Donc, c'est difficile de déterminer. On ne peut pas toujours dire dans quel sens ça va. Et probablement, ça va dans les deux sens. Et comme toujours, en biologie, c'est jamais simple. Mais voilà. Donc, les pathologies, on voit qu'il y a des corrélations, en fait, entre deux... entre un type de déséquilibre du microbiote ou un type de bactérie qui est identifié et certains troubles. Alors ça va justement, c'est des troubles qui sont pas seulement le mal de ventre, mais effectivement il y a toute la phase de la dépression, même l'autisme, etc. On sait qu'il y a des corrélations entre ces maladies et certains types de déséquilibre. Par contre, on ne peut pas encore dire vraiment si c'est une cause ou une conséquence de ce changement de microbiote, quoi. Mais sur les perspectives thérapeutiques qu'ouvre l'étude du microbiote, quelles sont ces perspectives qu'on entreaperçoit en ce moment, Cécile Breton? Donc il y a deux pistes thérapeutiques de façon en fait soit c'est la fameuse transplantation fécale hein, mais qui est encore pas très bien maîtrisée en tout cas qui a donné des résultats vraiment clairs pour notamment le traitement d'une bactérie qui provoque des diarrhées etc qui s'appelle Clostridium difficile. Et là la transplantation fécale elle est vraiment utile. Et puis il y a l'utilisation des probiotiques hein. Il y a une étude de 2007, il me semble, un peu plus récente, je crois, sur la corrélation entre certains types de probiotiques. Non, pardon, pas la corrélation. je m'en mets les pinceaux. Donc, certains troubles autistiques sont atténués par l'utilisation probiotique, mais tout ça, c'est encore des études qui sont réduites à quelques personnes. C'est pas encore développé. Et encore une fois, est-ce que c'est une cause ou une conséquence? On ne sait pas vraiment. Il y a encore plein de pistes à explorer dans ce domaine. Philippe Pajot, en 2019, la recherche publiait un dossier intitulé « La révolution du microbiote a commencé ». Oui, c'est un sujet énormément travaillé, qui est sorti des laboratoires. On a aussi publié un dossier sur la symbiose il y a 2 ans également. pour rebondir sur le rôle de la symbiose, il y a certaines personnes qui voient la symbiose comme une sorte de dépendance en fait. Où se situe la symbiose, où se situe la dépendance? Parce que finalement, il y a une perte d'autonomie des individus. Et donc, ça peut être aussi embêtant. inquiétant, mais ça fait, enfin, moi j'aime bien comme tu le disais, penser les êtres vivants finalement comme des réseaux. C'est amusant parce que c'est une révolution qui s'est produite en mathématiques, où maintenant en mathématiques on voit les choses plutôt comme des relations, plutôt que comme des objets, et finalement la biologie est en train de faire cette révolution qu'a fait la mathématique dans les années 60. C'est assez drôle. Voilà, en tout cas, la recherche médicale est très active sur ce sujet. Et l'autre domaine de recherche très actif, c'est l'exobiologie, avec la recherche de traces de vie extraterrestre. Restez avec nous, on continue d'éplucher la presse scientifique. En direct sur France Culture, Microbes de Snooper, car nous parlons de microbes en tout genre. En faisant le tour de l'actualité scientifique avec nos trois invités du jour, Cécile Breton, rédactrice en chef de la revue Espèce, Philippe Pajot, rédacteur en chef de notre magazine partenaire, le magazine La Recherche, Sébastien Carassou, docteur en astrophysique, vulgarisateur scientifique et créateur de la chaîne YouTube Le Sense of Wonder. On vient de parler des effets bénéfiques, des interactions très fortes entre les bactéries que nous hébergeons dans et sur notre corps. Parlons à présent de la recherche d'un autre type de bactéries, les bactéries extraterrestres. Les meilleures candidates dans notre système solaire pour trouver des traces de vie, ce sont les lunes glacées. Jean-Paul Poirier, quand on parle des lunes de glace, de quoi parle-t-on ? Eh bien, on parle maintenant de certains des satellites, des planètes géantes externes du système solaire. Je dis certains parce qu'elles ne sont pas toutes de glace. Et je dis maintenant parce que jusqu'aux missions voyageurs envoyées par les Américains qui sont arrivés dans ces régions du système solaire en 1979 et 1980, jusqu'à cette époque, les satellites de ces planètes géantes étaient des objets qui étaient connus à peu près uniquement des astronomes. Galilée avait découvert les quatre satellites galiléens de Jupiter en 1610. On peut les voir avec des bonnes jumelles, mais c'est à peu près tout ce qu'on savait. Le reste, c'était affaire de télescope. Les lunes de glace, donc, je dirais, ce sont essentiellement trois des satellites de Jupiter, sur les quatre, c'est-à-dire Europe, Ganymède et Callisto, et la grosse majorité, sinon tous, des satellites de Saturne, c'est-à-dire, depuis Mimas, Encelade, Tétis, Dionée, Rhéa, Titan, donc, qui est populaire à beaucoup de respect, et puis les petits objets, Hyperion, et puis finalement Japet, Phébé, etc. Donc, tous ces objets sont essentiellement de glace, et le seul qui soit au contraire de feu, c'est Io, le premier des satellites de Jupiter, qui lui est la seule autre planète active du système solaire que nous connaissions, c'est-à-dire celle qui a des éruptions volcaniques actuelles. La voix de Jean-Paul Poirier, physicien titulaire à l'Institut de physique du Globe à Paris, un extrait de l'émission Sciences et Techniques sur notre antenne en 1983. Alors, Encelade, Europe, Titan, Ganymède, Mimas, Sébastien Carassou, pourquoi on dit qu'elles sont de bonnes cibles pour trouver des traces de vie extraterrestre ? Eh bien, en fait, ces mondes glacés, ils sont assez fascinants parce qu'ils ont les trois ingrédients du grand livre de recettes de la vie qu'on considère nécessaire pour favoriser l'apparition de la vie. Alors, on a déjà de l'eau liquide pour favoriser les réactions chimiques complexes. On a ce qu'on appelle des schnops. Les schnops, ce sont ce cocktail d'éléments chimiques qui composent la quasi-intégralité du vivant sur la planète Terre, en tout cas. Donc, les schnops, ce sont le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre. Et puis ces lunes, elles cumulent aussi une source d'énergie interne qui est produite non pas par la lumière du Soleil, parce qu'elles sont très très loin du Soleil, mais qui sont produites par les effets de marée de Jupiter, par la gravité de Jupiter, qui vont malaxer ces lunes sur leur orbite. Et donc ça va créer de la friction, et donc ça va créer de la chaleur interne qui va maintenir des océans liquides. Et donc pour Europe, par exemple, Europe contient un océan d'eau liquide qu'on estime à peu près à une centaine de kilomètres de profondeur, et qui contient peut-être deux fois plus d'eau liquide que tous les océans terrestres réunis. Donc, qu'est-ce qui peut se développer à l'intérieur de ces lunes? Et c'est la grande question à 10 000 euros. Et puis, c'est en plus de l'eau liquide et puis d'un océan salé. Un océan d'eau salée, absolument, avec la même salinité que la Terre. Philippe Pajot. Parce qu'on va parler de cet océan, souterrain, subglaciaire d'Europe. On estime aussi qu'il est probablement en contact direct avec la roche chaude du plancher océanique. Oui, alors il y a beaucoup de choses. Europe, c'est l'objet de toutes les attentions des exobiologistes et des planétologues depuis des décennies maintenant, et on commence à affiner un peu notre image de cette lune glacée. Alors pourquoi elle est plus intéressante que les autres? C'est parce que d'abord l'épaisseur de la glace est sans doute inférieure à celle qu'il y a sur Ganymède ou Callisto, où là on estime que la glace, son épaisseur est de plusieurs centaines de kilomètres, 100-200 kilomètres. Et donc une des grandes questions qu'on se pose, c'est quelle est l'épaisseur de cette banquise sur Europe. Alors il y a eu des débats sans fin, des centaines d'articles publiés, et actuellement il y a un article très récent encore qui date de la semaine dernière, là, qui converge, la plupart des articles convergent vers une épaisseur qui serait de 20 kilomètres. Donc c'était la grande question de l'épaisseur, et là aujourd'hui on commence à se dire bon 20 kilomètres. Alors c'est quand même épais 20 kilomètres, hein, c'est-à-dire que c'est 20 kilomètres quand c'était beaucoup moins, quand les estimations étaient de l'ordre de quelques kilomètres, les gens se disaient bah peut-être qu'on va pouvoir percer dans la glace, envoyer quelque chose, une sorte de mini sous-marin qui irait à l'intérieur explorer l'océan même d'Europe. Là avec 20 kilomètres ça devient difficile. De toute façon ce projet a été abandonné, je crois. Alors pour l'instant on n'a pas de projet de petit robot qui va fouiller à l'intérieur de la glace, mais il y a un projet qui s'appelle Europa Lander qui est en prototype à la NASA à l'heure actuelle et qui n'est pas encore confirmé pour son financement, mais dont le but est de se poser à la surface. Et effectivement ça a l'air d'être une mauvaise nouvelle dit comme ça, que la glace ferait plus de 20 kilomètres, mais en pratique cette épaisseur elle permet à certains processus de transport de la matière qu'on appelle la convection d'émerger, et si ce mécanisme de transport il est confirmé, il pourrait faciliter le transport d'hypothétiques bactéries qui viendraient de l'océan souterrain vers la surface, et donc avec Europa Lander on pourrait peut-être détecter des trucs qui auraient à la surface. des trucs. Parce que là on parle en effet de cette croûte glacée. Il y a aussi, donc je reviens sur ce plancher océanique, parce qu'on estime que peut-être Europe serait dotée de cheminées hydrothermales. Tout à fait. Alors, dans les années 70, on a découvert ces espèces de structures très étranges sur le plancher océanique terrestre. Hein, et ce sont des structures qui arrivent dans les abysses. Hein, donc, on ne pensait pas découvrir des formes de vie à de telles profondeurs. Hein, on parle de 10-12 kilomètres de profondeur. Et bien, effectivement, il y avait des écosystèmes très complexes qui s'étaient formés autour de ces cheminées hydrothermales. Et aujourd'hui, ces cheminées, elles intéressent énormément des exobiologistes, parce que c'est l'une des hypothèses les plus plausibles pour l'émergence, pour un environnement d'origine de la vie sur Terre. Et on pense que si la vie est apparue sur Terre dans des cheminées hydrothermales, elle aurait peut-être pu émerger ailleurs, dans Europe par exemple, ou en cela d'une lune de Saturne. Oui, c'est ça Philippe Pajot, c'est que cette découverte dans les années 70-77 de ces cheminées hydrothermales, ça bouleverse complètement notre compréhension de la vie sur Terre et donc de la vie ailleurs. Bien sûr, oui. Et encore faut-il qu'il y ait effectivement, c'est quand même ces molécules, ce cocktail Schnaps, Schnaps et notamment de l'oxygène. Alors justement, sur Europe, on essaie de mesurer les quantités d'oxygène qu'il y a actuellement à la surface. Je vous dis qu'il y a vraiment beaucoup d'activités là-dessus, parce qu'il y a encore un papier du 4 mars là qui essayait de mesurer carrément l'oxygène qui était produite par cette banquise, parce que Europe est soumise à un flux de particules chargées de plasma qui vient de Jupiter et qui arrache de l'eau, hein, puisque c'est de l'eau essentiellement. Et il y a une Juno, le satellite qui a fait des survols de Jupiter et d'Europe, notamment donc là, survol en 2022, a pu mesurer la quantité d'hydrogène qui est émise lors de ces chocs avec ces particules et en déduire la quantité d'oxygène. Donc il y a l'oxygène qui est émise. Là encore, c'est peut-être une mauvaise nouvelle parce qu'il y a beaucoup moins d'oxygène qui est émise que ce qu'on estimait auparavant. Donc moins d'oxygène, voilà, moins de possibilités de vie. Mais là encore, c'est vers le haut. Donc on ne sait pas pour ce qui se passe vers le bas. Mais c'est vrai que ça reste un très très bon candidat. En tout cas, le meilleur candidat. En tout cas pour actuel. Cécile Bouton, vous souhaitiez parce que effectivement ces cheminées thermales, enfin je crois me souvenir qu'on avait on trouve des formes de vie qui résistent aussi non seulement à la profondeur, à la chaleur, au soufre, enfin à des environnements qui sont donc ça rendrait possible effectivement. Mais alors moi j'avais une question sur les lunes parce que est-ce qu'on connaît un peu leur histoire, est-ce qu'on connaît comment alors leur histoire justement il y a des gros points d'interrogation sur la formation de ces lunes, on pense qu'elles se sont formées autour de Jupiter, hein, quand on parle des mondes glacés de Jupiter, donc Callisto, Ganymède et Europe, donc on pense qu'elles se sont formées sur place, un peu comme un mini système solaire qui aurait généré des petites lunes glacées. Par contre, il y a encore beaucoup de points d'interrogation que va répondre la mission JUICE, hein, qui a été envoyée l'année dernière, je crois que c'était en avril dernier, une mission de l'Agence Spatiale Européenne, la première à aller dans le système solaire externe pour étudier les mondes océans, ce qu'on appelle les mondes océans du système solaire, qui sont donc Europe, Ganymède et Callisto. Et l'idée, c'est de comparer un petit peu ces trois corps pour en savoir plus sur les mécanismes qui ont généré leur formation et sur leur potentielle habitabilité. Oui, il y a JUICE, en effet, qui a décollé l'année dernière. Nous avons consacré également une émission sur JUICE où je vous invite également à écouter ce podcast. Fin 2024, en octobre, a priori, le lancement d'Europa Clipper. Les deux sondes vont arriver en orbite autour de Jupiter vers juillet 2031 pour JUICE, 2030 pour Europa Clipper. Sébastien Carassou, l'objectif, un des objectifs de ces deux missions, c'est aussi d'étudier donc la structure des lunes et leur habitabilité, toute leur chimie. Mais c'est pas nécessairement de détecter sur place des traces de vie. En tout cas, dans ce qui concerne Europa Clipper, le but, la mission scientifique assumée, ce n'est pas de détecter des traces de vie, mais c'est de détecter des traces d'habitabilité, de plausibilité d'émergence de la vie. Mais il se trouve qu'il y a un article qui a été publié le 22 mars dernier dans la revue Science Advances, et c'est une équipe scientifique qui est dirigée par le chercheur Fabian Klenner de l'Université de Washington, et ils ont développé des analyses en laboratoire pour vérifier qu'une méthode pour détecter des traces de vie sur Europe fonctionnait bien. Alors comment ils ont fait ça? Ils ont simulé en laboratoire des grains de glace qui contiennent des morceaux de bactéries, voire des bactéries entières, comme on pourrait s'attendre à trouver s'il y avait de la vie microbienne sur Europe, et ils ont analysé la composition chimique de ces grains avec un spectromètre de masse. Alors un spectromètre de masse, c'est un instrument comme il y a à bord de la sonde Europa Clipper. L'idée, c'est que la sonde... Spectromètre SUDA, pour le dire. Exactement, pour le dernier, SUDA, spectromètre de masse embarqué. Surface Dust Analyzer. Alors son idée à la base, c'était d'étudier comment les grains de poussière et les glaces qui sont éjectés depuis la surface d'Europe par des collisions de micrométéorites, c'est quoi leur composition. Mais il se trouve que depuis 2012, on a des indices, qui sont des indices indirects pour l'instant, qu'il pourrait y avoir des panaches d'eau qui pourraient émerger de la surface d'Europe. Alors c'est encore controversé, il n'y a pas de détection directe qui a été faite jusqu'à présent. En 2018 d'ailleurs, il y a eu l'indice le plus fiable qui a émergé quand des astronomes de la NASA ont découvert que la sonde Galileo, qui avait exploré le système de Jupiter entre 1995 et 2003, il était probablement passé à travers l'un de ces panaches d'eau au cours de sa mission. Mais il n'avait pas forcément les instruments pour déterminer exactement qu'est-ce qu'il avait sur quoi il était passé. Mais Europa Clipper va avoir un de ces instruments, donc un spectromètre de masse. Et l'idée, c'est que cette méthode développée par Fabien Klenner et son équipe, c'était de simuler un panache d'eau d'Europe en laboratoire. Alors comment on simule justement de telles conditions extrêmes en labo? Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh ben, on utilise une chambre à vide dans laquelle on va asperger un jet d'eau qui contient des colonies de bactéries, bien terriennes, hein, bien sûr, on n'a pas de bactéries extraterrestres dans nos labos. Et donc dans ce vide, les gouttes d'eau vont donner naissance à des grains de glace qui sont remplis de fragments de cellules bactériennes. Et donc quand ils ont analysé la composition chimique de ces grains, ils ont détecté des signatures qui sont très très claires de la présence de lipides qui constituent les membranes cellulaires ou encore des acides aminés qui sont les briques de base des protéines. Et donc ce que montre l'équipe de Fabienne Klenner, c'est que ce type de détection de traces de vie, ces biosignatures comme on les appelle, elle peut être réalisée avec nos instruments actuels, avec les instruments à bord d'Europa Clipper, avec juste un seul grain de glace qui contient des morceaux de bactéries. Et leur méthode, en fait, elle est si sensible qu'elle permettrait déjà de détecter des concentrations potentiellement très infimes de fragments cellulaires qui sont piégés dans la glace. Et donc, selon Fabien Klenner, l'auteur à la tête de l'équipe qui a mené cette étude, ces résultats, ils rendent les scientifiques assez confiants que si de la vie microbienne existe dans l'océan global d'Europe, on pourrait avoir les moyens d'en détecter les traces au cours de la décennie 2030. En tout cas, si la biochimie de ces aliens, elle est similaire à celle de la Terre. Ça, mais rien. Sur les échantillons justement de bactéries que les auteurs, que cette équipe, j'allais dire australienne, pas du tout, allemande, que cette équipe allemande a intégré dans son protocole, ils ont, et ça je trouve ça amusant aussi, sur l'exobiologie qui s'intéresse aux extrémophiles, Philippe Pajot, ils ont intégré des petits échantillons de Sphingophyxix alaxensis, une bactérie qui est connue pour survivre justement dans des environnements marins extrêmement froids. Froid en Alaska. Oui, alors c'est vrai que ce qu'on appelle les extrémophiles, ces bactéries extrêmement résistantes, ça c'est quelque chose aussi qui a émergé. On n'avait aucune idée qu'il y avait des bactéries qui pouvaient résister à des températures extrêmes, à des conditions de d'acidité extrême, de salinité extrême. Voilà, et on s'est aperçu de ça. On a même mis des bactéries, figurez-vous, sur des obus, et on tire des bactéries avec des obus pour voir s'ils résistent aussi à des pressions extrêmes. Et il y a des bactéries résistent. Donc les bactéries sont effectivement, il y a des bactéries qui sont extrêmement résistantes à toutes sortes de conditions, et c'est vraisemblablement dans des conditions, en tout cas de ces lunes glacées, c'est vraisemblablement des bactéries qui sont extrémophiles, on va dire, qui pourraient qui si y en a, qui pourraient être là un peu. Cécile Baudot, ça me fait penser à ces recherches au Groenland aussi. On a fait des forages à plus de, je crois que c'est plus de 3 km, et on trouve là ce qu'ils appellent des nanobactéries, et donc en fait c'est sous le micron, et qui sont encore actives en vie, hein, je sais pas sous quelle forme exactement, mais en tout cas et qui sont datées, je crois que c'était daté de 120 000 ans. Et donc, on imagine très bien, finalement, que dans l'espace, il peut y avoir des formes de vie qui persistent dans des contextes très extrêmes comme ça, et sur des durées qui arrivent à survivre avec très peu de nutriments. Je reviens sur cet article dans Science Advances, Sébastien Carassou. Donc, selon cette étude, on pourrait techniquement détecter des fragments de matériel cellulaire d'ici 2030. Mais qu'est-ce qui constitue finalement une vraie preuve de vie actuelle? Alors déjà, si un extraterrestre nous faisait coucou, ce serait une preuve de vie que je pense convaincrait beaucoup de monde, même si ça convaincrait peut-être pas tout le monde, on ne sait pas. Mais c'est toute la question des biosignatures en fait. Aujourd'hui, on a qu'un seul échantillon de vie dans tout l'univers qui est connu. Cet échantillon, c'est l'échantillon de vie terrestre. Et il se trouve que toute la vie sur Terre est issue d'une même lignée bactérienne ou une même lignée de microbes qui vivait il y a plusieurs milliards d'années, qui s'appelle Luca. Et on est tous issus de cette lignée bactérienne. Donc il y a une diversité du vivant qui était peut-être plus grande avant, en tout cas à l'échelle microbienne, en tout cas qui était une autre diversité que celle qu'on a à l'heure actuelle. Donc le vivant a appris à utiliser les éléments de son environnement pour pouvoir évoluer et donc de trouver un chemin, comme disait le mec de Jurassic Park. Et en fait, on ne sait pas à quel point ce processus-là, il peut arriver facilement ailleurs dans le cosmos. En fait, comme on ne sait pas comment la vie est apparue sur Terre, il nous manque encore des chapitres clés dans l'apparition de la vie sur Terre. On sait comment les molécules les plus simples se forment, mais comment est-ce qu'elles s'arrangent pour former des brins d'ADN, de l'ARN, des membranes cellulaires, etc. Là, c'est un petit peu plus compliqué. On ne sait même pas si la vie ailleurs pourrait utiliser les mêmes éléments chimiques que le nôtre. Par exemple, nous, la vie sur Terre, elle est basée sur le carbone, la chimie du carbone, parce que le carbone, il peut former jusqu'à 4 liaisons avec d'autres éléments, ce qui lui permet de faire des structures moléculaires assez complexes. Dans d'autres planètes ou dans d'autres mondes, on peut très bien imaginer de la vie basée sur du silicium, par exemple. Alors, ce serait un petit peu plus difficile, ça demanderait des conditions un peu plus exotiques, mais ce n'est pas impossible selon les règles de la chimie telle qu'on la connaît. Donc, voilà, quand on cherche de la vie extraterrestre, on ne sait pas ce qu'on cherche, on n'a pas de définition universelle de la vie, et ça va peut-être générer des faux positifs ou des faux négatifs. Mais voilà. Ça nous impose aussi de sortir de notre propre prisme de terrien. Tout à fait. Eh bien, on continue, nous, on poursuit notre chemin, on poursuit cette table ronde avec un tout autre sujet. Dans quelle mesure le plaisir sexuel représente-t-il un avantage évolutif ? On vous a gardé le meilleur pour la fin, restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. En direct sur France Culture avec Cécile Breton, Philippe Pajou et Sébastien Carasson. On parle de microbiote, de recherche de traces de vie extraterrestres. On poursuit avec le magazine La Recherche et son dossier, une histoire évolutive du plaisir sexuel. Un dossier qui pose une question, pourquoi l'orgasme ? Nous avons insisté pendant toute cette discussion sur l'orgasme, qui est en effet un phénomène essentiel de la sexualité. Il ne s'agit bien entendu pas d'oublier l'importance des autres facteurs affectifs, mais en fait, il faut reconnaître que, pour un adulte normalement expérimenté, l'acte sexuel, c'est d'abord la recherche de l'orgasme. Et une interruption avant l'orgasme peut, dans le cas d'une excitation élevée, entraîner des douleurs physiques aussi bien que des complications psychologiques. Il est donc important pour le couple que les deux partenaires obtiennent satisfaction. L'évolution de la société se fait d'ailleurs clairement dans ce sens, et les hommes trouvent beaucoup plus satisfaisant d'avoir une partenaire active qui leur répond et prend plaisir à l'acte sexuel. L'anarchie de 1966, extrait de l'émission Recherche de notre temps sur France Culture. Philippe Pajot, on entendait dans cette archive, voilà, l'orgasme est un phénomène essentiel de la sexualité, mais c'est aussi un phénomène essentiel du monde vivant, finalement. C'est ce qui ressort de ce dossier. Effectivement, c'est une question que les biologistes se sont posées récemment. Est-ce que l'orgasme est un moteur, le plaisir est un moteur de l'évolution ? En fait, ça a été assez long pour que les scientifiques se posent cette question. C'était la recherche scientifique occidentale, en fait, est restée un peu coincée dans un interdit qui empêchait cette interrogation. Ce qui mène le monde vivant, finalement, a été longtemps réduit à ce qu'on nomme la reproduction sexuée, et hors de ça, point de salut. Thierry Laudet, donc, qui a écrit cet article dans La Recherche, est également l'auteur d'un livre qui s'appelle « Une histoire naturelle du plaisir amoureux ». En fait, c'est un grand spécialiste de la sexualité des animaux. Il s'est penché sur cette question dans cet article, et il nous explique donc qu'il a fallu attendre en fait les années 80 pour que les biologistes commencent à s'intéresser à la sexualité des animaux déjà et au plaisir des animaux. C'était quand même le point de départ pour qu'on puisse faire une histoire évolutive, évidemment. Et pour ça, il raconte cette histoire évolutive qu'il fait remonter jusqu'aux premières éjaculations mâles et femelles dans l'eau des mers primitives, il y a des centaines de millions d'années. Donc c'est quelque chose qui date pas d'aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est que l'orgasme serait apparu il y a des centaines de millions d'années, et donc on peut se demander l'intérêt évolutif de l'apogée sexuelle. Voilà, ouais. Donc la conclusion quand même de ces recherches montrent quand même que les animaux, il faut l'amour pour le plaisir et pas nécessairement pour maximiser leur nombre de descendants. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi assez intéressant. Peut-être on va remonter à l'histoire évolutive pour repartir justement à ses débuts. C'est une émission très très orientée biologie puisqu'on repart dans la vie pluricellulaire eucaryote. La boucle est bouclée. Les fameuses cellules à noyau qui sont de cette vie, l'apparition de la vie. Encore un lien avec cet article sur la recherche de vie. Donc c'était il y a 2,5 milliards d'années à peu près. Donc l'apparition des la vie pluricellulaire. Et quand il y a la vie pluricellulaire, les cellules, elles se spécialisent. Elles se spécialisent. C'est là que, donc, du coup, ça apparaissent des cellules reproductives, des gamètes mâles et femelles. Donc, il y a une spécialisation. Alors, évidemment, si on veut ensuite avoir des descendants, il faut que les gamètes mâles rencontrent les gamètes femelles. Donc, il faut qu'il y ait une sorte de rencontre. Comment se fait cette rencontre ? La sexualité, justement, arrive là. La reproduction sexuelle apparaît parce qu'il y a cette différenciation cellulaire. Et l'orgasme serait apparu, du coup, avec le mécanisme de décharge croisée des cellules reproductives mâles et femelles. Alors, c'est assez difficile de définir ce que c'est que l'orgasme pour les animaux. Pour nous, on en a à peu près une idée, mais pour savoir si une drosophile a un orgasme, c'est pas évident. Mais on arrive à le faire aujourd'hui. Et effectivement, ce qui est apparu, alors là, c'est vraiment des choses vraiment récentes, c'est que quasiment tous les animaux qu'on connaît ont des orgasmes, y compris la drosophile, comme vous le notiez tout à l'heure. Donc c'est vraiment ce réflexe fondamental d'expulsion des gamètes chez les femelles et chez les mâles dans tout le monde animal. On pourrait dire en quelque sorte qu'en fait l'orgasme résulterait d'une sorte d'évolution convergente. Et aujourd'hui encore, chez la plupart des vertébrés à fécondation externe, comme les poissons, les contractions réflexes de base accélèrent la libération des gamètes, envoient des spermatozoïdes plus rapides et expulsent les ovules dans l'eau. Donc il y a vraiment cette première étape, en fait, Alors ensuite, il y a une deuxième étape qu'on peut noter, qui se déroule, on va dire, il y a quelques centaines. On va pas être très précis parce que c'est pas extrêmement facile à dater. Il y a quelques 500 millions d'années, on va dire. Donc c'est la transition, en fait, le passage de la fécondation externe à la fécondation interne. Donc c'est l'oviparité, puis la viviparité chez les vertébrés, où l'embryon, cette fois-ci, et le fœtus sont protégés, en fait, par le sac amniotique. Certains animaux, on peut le dater. La viviparité chez les reptiles, il y a 175 millions d'années. Donc ça commence à remonter pas mal. Et ce passage-là, il nécessite deux adaptations, en fait. L'évolution de la fécondation interne, et puis le processus de rétention des ovules. Alors, l'insémination peut se faire de manière indirecte par ce qu'on appelle des spermatophores. Les spermatophores, c'est des capsules qui contiennent des spermatozoïdes. C'est le cas chez le triton, aujourd'hui. C'est le cas chez certains invertébrés, les araignées, les insectes. Ou alors par accouplement. C'est le truc qu'on connaît plus classiquement, chez les vertébrés en tout cas. L'accouplement, il peut être cloacal ou vaginal. Donc ça, c'est les deux types. Le cloaque, c'est une sorte de canal qu'il y a chez certains animaux, oiseaux, amphibiens, certains mammifères également. Voilà. Et c'est durant ce deuxième stade, on va dire, que se développe, on va dire, le plaisir sexuel. Oui, je veux reciter justement cet article technique qui est très intéressant. C'est au cours de l'évolution vers la fécondation interne, c'est à partir de cette période que se sont développées des procédures physiologiques associées au circuit de la récompense. La stimulation sexuelle connaît alors un grand boom évolutif. Exactement. Je cite justement le dossier à la recherche. Un grand boom évolutif, effectivement, qui est lié parce qu'on sait, effectivement, il y a des glandes qui produisent, chez l'homme, c'est les glandes de Gerinsken qui produisent des sécrétions des liquides ovariens, mais également des hormones qui sont émis, la prolactine et la dopamine. On parlait de circulaire récompense. La dopamine, c'est précisément une des hormones qui est liée à la récompense. Voilà. L'autre point intéressant également, donc qu'on n'a pas encore évoqué dans ce dossier, c'est les deux types d'ovulation, les ovulations induites ou spontanée, et sur la présence justement de l'orgasme et de son utilité sur la fécondité chez les mammifères à ovulation spontanée. Oui, alors effectivement induite, et il y a même des faux orgasmes. Les femelles en fait manipulent en quelque sorte les mâles. Elles prétendent avoir un orgasme, comme ça le mâle il tire son coup, si je puis dire, et ensuite voilà, il dit bah ça y est, je me suis reproduit, et en fait il y a cette idée que l'orgasme peut être utilisé pour manipuler les mâles et pour déférer ou retarder le choix d'un partenaire voilà. Et ce qui est aussi assez amusant avec cette histoire d'évolution chez les mâles, dans cette deuxième période, il y a un développement évolutif de beaucoup d'organes d'intromission. Alors il y a le gonopode, le phallodéum, l'hémipénis, le pseudopénis et les pénis. Donc il y a ces développements chez les mâles, et en parallèle chez les femelles aussi, développement de tubercules striés chez la femelle. Donc ça, dans cette période ancienne, qui est une sorte de structure clitoridienne rudimentaire qui est impliquée dans l'orgasme. Voilà. Sébastien Carassou, sur cette histoire et sur ces différentes étapes évolutives pour le plaisir sexuel, je sais pas si... Oui, maman, j'ai appris beaucoup de mots pour désigner les organes sexuels des animaux. Je suis assez content. Par contre, je me pose plein de questions sur justement comment on mesure en fait ces signaux plaisir. Vous avez parlé du circuit de la récompense, mais quand on mesure la douleur, par exemple, on a des récepteurs qu'on utilise qui s'appellent les nocicepteurs pour voir si un animal est sensible à la douleur ou pas. Et on pense que la nociception ou la capacité à avoir du plaisir, c'est lié à l'évolution de ce qu'on appelle la santé conscience, hein, qui est cette capacité à ressentir subjectivement des émotions positives ou négatives, est-ce que l'orgasme a un lien avec l'évolution de la conscience ou pas du tout? Je sais pas du tout. c'est en effet une réponse qu'il n'y a pas malheureusement dans ce dossier, mais c'est une excellente question. Et puis on arrive, dans quelques secondes, on arrive à la chronique d'Alexandra Delbo, la chronique avec science. Merci à vous trois d'avoir été là avec nous. Un tout petit mot pour vous dire que le programme de Pint of Science est en ligne. C'est la 11e édition du festival qui aura lieu du 13 au 15 mai. On retrouve Alexandra Delbo et la chronique avec science. Merci à tous. Quelle est l'origine de la fonte du glacier de l'Apocalypse? Son vrai nom, c'est Thwaites, en hommage au géologue américain Frederick T. Thwaites. Et s'il garde ce nom un peu plus médiatique de glacier de l'Apocalypse, c'est parce que sa fonte, causée directement par l'augmentation des températures marines, menace le reste du globe. Voici quelques chiffres pour tenter de se représenter le rôle de ce glacier. 120 km, c'est sa largeur, soit la distance entre Toulouse et Rodez. 192 000 km², l'équivalent de la Grande-Bretagne, c'est sa surface, ce qui fait de lui le plus grand glacier du monde. Ensuite, 4%, c'est sa contribution à la hausse du niveau marin, ce qui représente, et c'est notre dernier chiffre, 50 milliards de tonnes de glace rejetées chaque année. Sachant que l'Antarctique en perd au total entre 170 et 220, c'est tout simplement énorme, et c'est pourquoi il y a un enjeu crucial à mieux comprendre le rythme de sa fonte. Lydie Lescarmentier est glaciologue et directrice des actions liées à l'Antarctique au sein de l'ONU. I2CI, en français Initiative Internationale Cryosphère Climat. Les enjeux en fait, du coup, autour de l'évolution de son glacier sont extrêmement importants parce que si ce glacier-là est déstabilisé, finalement, il peut déstabiliser l'ensemble du bassin qu'il draine. Il faut imaginer qu'un glacier, en fait, il va retirer de la glace qui s'est formée dans son bassin versant. Et donc, en fait, l'ensemble de la glace qui est accumulée tout autour de lui va ensuite circuler par ce glacier. Et donc, s'il commence à s'amincir, à se fracturer, donc à donner des icebergs à répétition, il perd cette masse et donc il enlève finalement l'ensemble de la glace de son bassin versant. C'est quelque chose qu'on voit très très bien sur les images satellites, avec des crevasses qui se forment, l'iceberg qui part vers l'océan, et puis ensuite le front du glacier qui recule de plus en plus. Et on peut se dire finalement que le glacier Thwaites, c'est un petit peu comme le bouchon de l'ensemble de ce bassin de glace dans l'ouest de l'Antarctique. Et donc si ce bouchon il part comme dans une bouteille de champagne, et ben c'est la glace qui part vers les océans. Et il y a un point commun à tout ce qui touche au climat. Pour comprendre ce qui peut se passer à l'avenir, il faut regarder dans le passé. Et en l'occurrence, comprendre quelle est l'origine de sa fonte et quand elle a véritablement commencé. Et pour cela, il faut creuser dans la glace et prélever ce qu'on appelle des carottes sédimentaires. Dans cette nouvelle étude parue dans PNAS, les auteurs et autrices en ont récupéré 7 au total au sein de ce glacier et aussi chez son voisin, le Pine Island. Grâce aux résidus emprisonnés, on peut reconstruire la position du front du glacier au fur et à mesure du temps, voir comment il a avancé et reculé et quand il s'est déstabilisé. Résultat, le glacier a commencé à disparaître en 1940, ce qui concorde avec un épisode de réchauffement extrême de l'eau qu'on connaît sous le nom d'El Niño. Il y a eu un événement El Niño, un peu comme celui qu'on a commencé à voir lors de l'été dernier, au mois de juillet, qui a duré finalement que quelques années, mais qui a été suffisant pour déstabiliser ces deux glaciers qui, du coup, au même moment, ont commencé à se retirer. Et donc, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est notamment le résultat de cette déstabilisation qui a eu lieu en 1940. Donc ça nous apprend énormément de choses sur l'inertie des systèmes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des changements qu'on peut imposer vont être visibles encore pendant des décennies. Donc, en termes de modélisation, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Et puis aussi, en termes de réponse en fait des systèmes, se dire qu'en fait, un seul événement qui a duré même que quelques années a été suffisant pour le déstabiliser. Donc, ça nous permet aussi d'affiner l'ensemble des projections climatiques et se dire, par exemple, si on reste à 1,5 degré de réchauffement quelques années, on risque de déstabiliser d'autres systèmes tels que Thwaites ou Pine Island. Comprendre l'origine de sa fonte et ce qui déstabilise les systèmes climatiques est essentiel pour comprendre leur résilience. Et nous vivons actuellement presque dans une expérience en temps réel. Le changement climatique au rythme auquel nous l'observons, c'est tout simplement du jamais vu. Il faut donc encore recueillir et collecter des tonnes et des tonnes de données et courir un peu après le temps pour les assimiler et prévoir rapidement le devenir de notre planète, et notamment des glaciers. Est-ce qu'ils se maintiendront malgré plusieurs années à plus 1,5 ou 2 degrés? Est-ce qu'ils résisteront à plusieurs semaines d'événements climatiques extrêmes comme des canicules marines? C'est ce genre de questions auxquelles tentent de répondre les climatologues et les glaciologues. L'enjeu concernant Thwaites à présent, c'est d'estimer à quel point sa fonte affectera le niveau marin. Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lausanne, Garance Prima Agnolo, Bruno Sansini, Antoine Beauchamp. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Alex Dong. Vous pouvez nous écouter partout, à toute heure, en podcast sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.